Grazie. Non posso ancora parlare italiano, mi mancano qualche mese di lavoro. Ma je voulais aujourd'hui proposer quelques réflexions sur les transformations du paysage urbain. Volevo proporre oggi alcune riflessioni sulla trasformazione del paesaggio urbano. Mais ces transformations du paysage urbain me paraissent très révélatrices des mouvements qui transforment le monde. E questi cambiamenti del paesaggio urbano, queste trasformazioni, mi sembrano veramente rivelatrici di ciò che trasforma il mondo. Il faut d'ailleurs remarquer que tout cela n'est pas entièrement nouveau. E bisogna notare che questo non è completamente nuovo. D'une part, les monuments se sont accumulés dans les grandes villes. Da un lato i monumenti si sono accumulati nelle grandi città. Il y a toujours eu au cours de l'histoire un mélange de destruction et de reconstruction. C'è sempre stato nel corso della storia un miscuglio di distruzione e ricostruzione. Et puis l'expansionnisme européen s'est toujours traduit dans une sorte de politique de la ville. E poi l'espansionismo europeo si è sempre tradotto in una sorta di politica della città. Quand l'Europe a colonisé le monde, e quando l'Europa ha colonizzato il mondo, les villes coloniales sont des répliques de la ville européenne. E le città coloniali sono infatti repliche delle città europee. Quand on pense au centre-ville de l'Amérique latine, par exemple. Quando pensiamo, per esempio, ai centro città dell'America Latina. Ou bien aux quartiers dits européens dans les villes de colonisation plus récentes en Afrique. Oppure nei quartieri cosiddetti europei, nelle città di più recente colonizzazione in Africa. Alors la ville se construit jusqu'au XXe siècle par accumulation. La città fino al XX secolo si costruisce per accumulazione. Mais avec des infléchissements divers. Ma con dei cambiamenti, con delle di direzione, delle inflessioni diverse. Au XIXe siècle, beaucoup de villes ont été complètement remodelées. Nel XIX secolo molte città sono state completamente rimodellate. Baudelaire était témoin des transformations que Haussmann a introduit à Paris. E Baudelaire è stato testimone delle trasformazioni che Haussmann aveva introdotto a Parigi. E che ha corrispondu alla distruzione di beaucoup de quartieri. E che corrispondevano poi alla distruzione di molti quartieri. Mais l'idée qui est précisément moderne, c'est que dans le nouveau paysage, l'ancien et le moderne se conjuguent, se renforcent. Ma l'idea moderna che nei nuovi paesaggi l'antico e il moderno si coniugano. Baudelaire regarde Paris et il voit il parle des mâts de la cité, une métaphore marine. Baudelaire guarda la città e parla degli alberi maestri come metafora marinara proprio della città. Ecco, senta, può avvicinare di più il microfono suo? Il mio? Sì, sì, perché ha quello di quello, Marco Cesare. Ah, sì. Mi sembrava che si sentisse. Ces mâts de la cité renvoient à des moments différents de l'histoire. Ce sont les cheminées d'usines et les clochers des églises. E questi alberi maestri della città rinviano a dei momenti diversi della storia, perché sono o le ciminiere delle industrie o i campanili delle chiese. L'idée c'est de la ville moderne, c'est qu'elle mélange les activités et les réalisations. L'idea della città moderna è che c'è un miscuglio di idee e di realizzazioni. Il y a aussi une idée qui fera son chemin, c'est le goût de la distance. Baudelaire se met à distance pour regarder la ville. E l'idea anche è che c'è il gusto della distanza. Per esempio Baudelaire si mette a distanza per guardare la città. Il y a cette idée que la ville est un paysage. C'è questa idea che la città è un paesaggio. E c'est une idée qui va progresser beaucoup, je crois. È un'idea che progredirà molto, penso. Parallèlement, il y a aussi le goût de l'accumulation. le goût dell'accumulazione che l'on retrouve dans les musées. E parallelamente c'è anche questo gusto dell'accumulazione, che è quella che si ritrova nei musei, per esempio. Les musées classent par période, par genre, par origine, il y a différents modes de classement. I musei classificano per periodo, origine, diversi modi per classificare. Mais l'idée dominante, c'est qu'on récapitule la diversité du monde. Ma l'idea dominante è che si ricapitola l'idea del mondo. Et je crois que dans le passage dont nous allons parler tout à l'heure, la fonction du musée évolue. Io credo che nel passaggio di cui parleremo tra breve, proprio l'idea di museo che evolve. La construction du musée devenant elle-même un objet en soi. E la costruzione del museo diventa essa stessa un oggetto in sé. Alors je crois que ces réflexions sur le paysage peuvent s'inscrire dans les réflexions sur la modernité et la surmodernité. E penso che questa riflessione sul paesaggio possa iscriversi nell'idea di modernità e surmodernità. Si j'ai employé le mot de surmodernité, c'était avec l'idée de souligner que, à mon sens, ce que nous vivons aujourd'hui procède d'une intensification et d'une accélération des processus observés dans la période de la modernité, mais pas à leur effacement ni à quelque chose d'ineffable. Allora, se io uso questo termine di surmodernità è per significare che c'è per porre l'accento meglio, che quello che è importante oggi è che c'è un'intensificazione e un'accelerazione della modernità, ma non una cancellazione di quello che c'è. Althusser a repris le terme de Freud de surdétermination pour parler de l'accumulation des facteurs qui rendent l'analyse des faits difficile. Si è ripreso il termine di Freud di surdeterminazione che rende appunto difficile l'analisi dei faits. Che rende difficile l'analisi dei fatti. Et j'ai employé la surmodernité en donnant le même sens à sur. C'est l'anglais over plutôt. Et ho utilizzato il termine di surmodernità dando questo senso a sur in francese che deriva da over dall'inglese. Le paysage surmoderne, si on peut employer cette expression à propos du paysage urbain actuel, transforme le paysage moderne, mais il n'en est pas le contraire. Il paesaggio surmoderno trasforma il paesaggio, ma non è il contrario. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire du paysage surmoderne? D'abord, c'est un paysage urbain. Che si può dire del paesaggio surmoderno? Prima cosa, è un paesaggio urbano. Mais c'est complexe parce que l'urbanisation transforme la ville tout en urbanisant la planète. Ma è complesso perché l'urbanizzazione trasforma la città urbanizzando il mondo, il pianeta. On voit bien qu'il y a une extension des grands centres urbains dans le monde. C'è un'estensione dei grandi centri urbani nel mondo. Mais on voit aussi qu'il y a une extension des zones urbaines, d'un tissu urbain. Ma si vede anche che c'è un'estensione delle zone urbane, dei tessuti urbani. À la fois au long des espaces de circulation, de consommation, de communication. Lungo gli spazi di consumo, de circulation, di circolazione plutôt, oui. Piuttosto, di circolazione ou, et di consumo. Ou sur les côtes, au bord de la mer, au bord des fleuves, etc. Sulle coste, lungo il mare, lungo i fiumi. Il y a une sorte de continuité un peu informe qui s'établit. C'è una sorta di continuità un po' informe che si instaura. Parallèlement, les centres historiques, d'abord ils sont appelés comme ça, centres historiques, et ça, qu'est-ce que c'est que des centres historiques? Eh bien, il me semble qu'ils se transforment progressivement en lieu de visite pour les touristes, c'est-à-dire qu'ils sont conçus pour être regardés comme un spectacle. come paesaggio. I centri storici, e il termine stesso di centri storici, che cos'è storico di un centro di una città, si trasformano progressivamente in luoghi di visita per i turisti. Bien entendu, je ne parle que d'une tendance, un mouvement. Questo è una tendenza, parlo, un movimento. Mais dans une ville comme Paris, il y a de moins en moins de gens qui habitent dans le centre historique à proprement parler. Ma in una città come Parigi c'è sempre meno gente che abita nel centro cosiddetto storico. Et en revanche, il y a beaucoup de gens qui les visitent. J'ai vu qu'à Rome c'était comme ça pour venir ici. Ma invece c'è molta gente che lo visita il centro storico e ho visto che qui a Roma è la stessa cosa. En même temps, on assiste plutôt à un décentrement de la ville. Et si assiste invece contemporaneamente a un decentramento della città. C'est un peu à Paris la fonction du RER. Et si un po' a Parigi la funzione dell'RER, che sarebbe il treno dei pendolari. Et des lignes de métro qui s'allongent d'ailleurs. E delle linee di metropolitana che si allungano. Et il suffit de prendre un métro vers 6 heures du soir. Pour voir qu'il y a une masse énorme de population qui se déplace d'un bout à l'autre de ce que nous appelons les périphéries, c'est-à-dire parce qu'ils travaillent dans un endroit, vivent dans un autre, et la ville devient un lieu de passage. Et nous voyons, par exemple, prendiamo il métro alle 6 di sera, che c'è una massa di persone che si trasferisce da un capo all'altro della città, e quindi la città diventa semplicemente un luogo di passaggio. Alors j'avais fait allusion dans les quelques notes que j'avais prises là aux réflexions de l'architecte Bernard Huet qui disait qu'il y avait une opposition aujourd'hui entre l'architecture et la ville. Et ho fatto, mi sono riferita nelle note che ho scritto a quello che ha detto l'architetto Bernard Huet, che affermava che c'era un'opposizione tra l'architettura e la città. Il voulait dire en gros que les architectes ont de plus en plus pris l'unité d'habitation comme un objet en soi. E voleva dire che gli architetti hanno sempre più preso l'unità di abitazione come un'unità in sé. Que les préoccupations de l'urbanisme se sont atténuées. E che le preoccupazioni dell'urbanismo si sono attenuate. Donc le souci esthétique s'est plutôt porté sur le logis sur la que sur l'ensemble du plan urbain. E quindi la preoccupazione estetica è andata piuttosto riferendosi all'alloggio, all'abitazione, che non all'ambiente urbano. Et Huet faisait remarquer que le risque de cette singularité, cette singularisation du logement, c'était de faire oublier le contexte. E lui ha anche fatto notare che il rischio di questa singolarizzazione dell'alloggio era quello di perdere di vista il riferimento al contesto. Il parlait des périphéries ou des banlieues comme d'un musée sans ordre, c'est-à-dire avec des réalisations intéressantes mais isolées, ponctuelles. E parlava delle periferie come di un museo senza ordine, cioè qualche cosa che è disperso, che c'ha una dispersione senza un ordine preciso. E il disait que dans cette nouvel aspect des choses, la forme de la ville historique se dissout, disparaît. E diceva anche che in questo nuovo aspetto delle cose spariva la forma della città storica. Il était très inspiré par le paysage parisien, puisqu'il cite nommément la Villette et les Halles. Et lì si ispirava molto al paesaggio parigino, perché cita proprio la Villette et les Halles. Et je crois que indépendamment des remarques de Bernard Huet, on peut dire plus largement que cette dissolution ou cette indétermination de la forme de la ville participe d'un mouvement encore plus large. E a parte le osservazioni di UE, si può dire che questa dissoluzione, questa indeterminazione della forma della città si esprime in un modo più ampio. Alors, urbanisation, de ce point de vue, pourrait apparaître comme synonyme de globalisation. L'urbanizzazione potrebbe apparire così come sinonimo di globalizzazione. Dans le monde surmoderne, on note une triple accélération des connaissances. Nel mondo surmoderno notiamo una triplice accelerazione delle conoscenze, des technologies, delle tecnologie et du marché. E del mercato. Et le paradoxe, c'est que à cette accélération correspond la représentation d'une globalité sans frontières, d'un monde où tout circule. A questo paradosso corrisponde un'accelerazione di un mondo senza frontiere dove tutto circola. Et ce qui s'oppose à cette globalité sans frontières, c'est l'évidence de la fragmentation, des divisions. E quello che si oppone a questa globalità senza frontiere è l'evidenza della frammentazione. Je crois que ça c'est un aspect important de ce qu'on pourrait appeler l'idéologie du système global. C'est d'une part cette idée d'une circulation dans tous les sens. E credo che questo sia un aspetto di questa ideologia del sistema globale, cioè una circolazione in tutti i sensi. Et en même temps, la réalité des divisions. Et al tempo stesso la realtà delle divisioni. Alors, c'est ainsi qu'on pourrait opposer ce que j'appelle la ville-monde. Et così che potremmo. Non, le monde-ville, pardon, le monde-ville. Che io chiamerei il mondo-città. Qui correspondrait à la métacité virtuelle dont parle Paul Virilio. Che corrisponderebbe alla metacità virtuale di cui parla Paul Virilio. Qui est constituée par les voies de circulation, les voies de communication, les moyens de communication qui enserrent la planète. Che è costituito dalle vie delle di comunicazione, dai mezzi di comunicazione, da tutte queste vie di comunicazione che circondano il pianeta. Ce monde en réseau. Questo mondo in rete. Et qui, à laquelle est associée une image d'omogénéité. E a cui è associata un'immagine di omogeneità. À laquelle contribue d'ailleurs l'architecture. Dans les grands centres-villes. Contribuisce d'altronde l'architettura nei grandi centri città. L'architecture des gratte-ciel, des choses spectaculaires. L'architettura dei grattacieli, delle cose spettacolari. Alors tout cela contraste avec les dures réalités de la ville-monde. E tutto questo contrasta con la dura realtà della città-mondo. La ville-monde exprime toute cette splendeur, mais elle exprime aussi les divisions de classe, d'ethnie, de culture, mais de richesse. La divisione, la città-mondo esprime anche tutti questi splendori, ma esprime anche la divisione di classe, di ricchezze. La ville-monde est une ville-monde parce que précisément on peut y lire aussi toutes ces inégalités. La città-mondo è proprio una città-mondo perché in essa si possono leggere proprio tutte queste inuguaglianze. On peut donc dire que la vie politique et économique de la planète dépend aujourd'hui de grands centres. Si può dire quindi che la vita politica ed economica del pianeta dipende dai grandi centri. De grands centres de décision, et il y a de nouveaux centres de ce point de vue. Dai grandi centri decisionali e ci sono dei nuovi centri da questo punto di vista. On parle des pays émergents. Si parla dei paesi emergenti, per esempio. Mais les pays émergents émergent à la faveur de grandes conurbations urbaines qui s'affirment comme importantes dans le monde. Ma i paesi emergenti emergono anche in funzione dei grandi agglomerati urbani che emergono nel mondo. Et c'est cet ensemble de grands centres où se croisent les réseaux planétaires qui fait la métacité virtuelle. E su questo insieme di grandi centri dove si incrociano queste vie fa questa metacità planetaria. C'est donc un monde-ville dont les quartiers les secteurs les plus urbanisés de la planète ne sont que des fragments. è dunque un mondo città in cui i settori più urbanizzati del pianeta sono soltanto una parte, dei frammenti. Alors j'évoquais à l'instant toutes les inégalités spectaculaires qu'on trouve dans la ville-monde. Ho parlato poco fa di tutte le inuguaglianze, disuguaglianze spettacolari che troviamo nella città-mondo. On trouve des traces de sous-développement dans les villes les plus industrialisées du monde, y compris New York. Troviamo delle tracce di sottosviluppo nelle città più sviluppate del mondo, compresa New York. Et de même qu'on trouve des quartiers d'affaires connectés au réseau mondial dans les villes du tiers-monde. E nello stesso modo troviamo nelle città del terzo mondo dei quartieri di affari collegati al resto del mondo. Il y a des murs, des séparations, des barrières qui apparaissent à l'échelle locale. Ci sono muri, separazioni, barriere che appaiono a livello locale. Alors que l'esthétique dominante est une esthétique de la distance. Mentre l'estetica dominante è un'estetica della distanza. Qui masque un peu tous ces effets de rupture. Che maschera un po' tutti questi effetti di rottura. Nous avons pris le goût des choses lointaines, des photos aériennes, des photos prises depuis les satellites d'observation. Abbiamo preso il gusto delle cose lontane, delle riprese aeree, delle foto riprese dal satellite, di tutto questo visto da lontano. Même les voies rapides, les routes et les trains rapides qui sont surélevés nous donnent un point de vue plus distancié sur les paysages que nous traversons. E anche le strade a scorrimento veloce, anche i treni ad alta velocità, ci danno una visione diversa, più sopraelevata del mondo. Et c'est l'un des aspects aussi de tous les quartiers les plus développés des cités les plus surmodernes, les tours qui sont plus d'ailleurs des tours de bureaux que des tours d'habitation offrent des vues sur l'extérieur lointain. E anche i quartieri più sviluppati delle città surmoderne offrono questa visione lontana, per esempio le torri che sono torri di uffici che troviamo nelle città. Les réalisateurs de cinéma et aussi de télévision ont très bien compris la force de ces images. Je pense à ces séries américaines qui s'ouvrent par des vues de la ville la nuit. Où on est à mi-hauteur des grands gratte-ciel et c'est magnifique. On a l'impression de circuler dans une forêt de lumière. C'est la ville dans sa version la plus récente. E appunto i registi americani delle serie di telefilm americani più famosi hanno capito molto bene tutto questo, perché molto spesso questi film si aprono proprio con delle visioni prese in elicottero a metà altezza in mezzo ai grattacieli che danno questa impressione di un'immagine della città straordinario. E ces images sont fortes. Nous aimerions que le monde soit comme cela, en transparence et en lumière. Et par endroits, il est comme ça. E queste immagini sono forti. Ci piacerebbe che il mondo fosse così, pieno di trasparenza e di luce. Mais pour ça, il faut de la distance. Et ce qui est intéressant et révélateur, à mon sens, c'est que on commence à parler du tourisme spatial aujourd'hui. Ma per tutto questo è necessaria della distanza e quello che è abbastanza straordinario è che oggi cominciamo a parlare del turismo spaziale. E je crois qu'il n'y a eu qu'un touriste pour l'instant qui avait les moyens de s'offrir ça, mais ça va se démocratiser en ce sens que des seulement très riches pourront le faire. Il s'agira dans un premier temps d'aller à une centaine de kilomètres de la Terre et de rester quelques minute en état d'apesanteur et d'observation, comme ça. Alors, évidemment, avoir ce sentiment de la petite planète. Oui. E c'è anche stato finora, credo, un solo turista, perché bisogna avere i mezzi per poterlo fare, ma forse comincerà a democratizzarsi anche questo dei viaggi spaziali, e comunque sempre per persone ricche che se lo potranno permettere. E certo si tratterà di stare a 100 chilometri dalla Terra, senza peso, e a vedere così da lontano il piccolo pianeta. Allora, de ce point de vue, on voit qu'on pourrait parler d'un décentrement de la planète elle-même. E in questo senso potremmo parlare di un decentramento del pianeta stesso. Che ha presque la forma d'un pressentiment. E questo assume quasi la forma di un presentimento. A échelle historique, demain nous irons ailleurs. E su scala storica, domani andremo altrove. Et nous retrouvons cet effet de décentrement en redescendant vers nous. E ritroviamo questo aspetto di decentramento ridiscendendo verso di noi. Décentrement de la ville dont le centre historique n'est plus un centre. Il decentramento della città il cui centro storico non è più un centro. Ce qui fait qu'on ne sait plus très bien où est la ville à proprement parler. Per cui non si sa più molto bene dov'è la città vera e propria. Décentrement de la demeure elle-même. E decentramento della dimora della stessa. Dans la maison grecque traditionnelle, il y avait au cœur du foyer la divinité féminine, la divinité de l'ombre et de la flamme, Estia, le foyer. Nella casa greca tradizionale c'era il focolare con l'immagine della donna, l'ombra, il fuoco. Et l'ombre. Mais et puis il y avait le seuil masculin avec Hermès. E poi c'era la soglia maschile con Hermès. Qui s'ouvrait vers l'extérieur, vers les carrefours, vers le commerce, etc. Che si apriva verso l'esterno, verso il commercio. Mais aujourd'hui, à la place du foyer, il y a l'ordinateur et la télévision. E oggi al posto del focolare c'è il calcolatore e la televisione. C'est-à-dire les images du monde, de l'extérieur. E cioè le immagini del mondo, dell'esterno. Il est évident qu'Hermès est le dieu tout désigné de la télévision et de l'ordinateur. È evidente che Hermes è il dio che è designato per il calcolatore e la televisione. Il s'est donc substitué à Estia. Si è sostituito a Estia. D'ailleurs, ça correspond à des modes de vie qui bougent, qui changent aussi, qui s'individualisent. E corrisponde anche dei modi di vita che si muovono, cambiano, si individualizzano. Et finalement, peut-être décentrement de l'individu lui-même. E poi finalmente anche decentramento dell'individuo stesso. Nous n'en sommes qu'au début, mais déjà nous voyons bien que les technologies équipent l'individu de façon sensible. Noi non siamo che agli inizi, ma vediamo già che le tecnologie danno all'individuo l'attrezzatura, gli strumenti in un modo notevole. Je suis frappé quand je rentre dans le métro. De voir qu'aujourd'hui, 6 personnes sur 7 ont de moins des écouteurs dans les oreilles. E io sono stupito nel entrare nel metro oggi dove 6 persone su 7 hanno certamente gli auricolari nelle orecchie. Soit qu'ils écoutent des programmes lointains, soit qu'ils communiquent par téléphone. Sia che ascoltino programmi lontani o comunichino per telefono. On sait que c'est téléphones portables vont devenir de vraies petites usines qu'elles vont permettre de tout faire bientôt. Ils le font déjà d'ailleurs. Et si ça que questi telefoni portatili diventeranno sempre più delle piccole proprio piccole fabbriche, nel senso già lo sono forse, potranno fare di tutto. Et puis sans entrer dans la science-fiction, on sait que les nanotechnologies tout ça vont permettre d'agir sur la nature. Et on parle même parfois de c'est un peu terrifiant, de ces nouveaux guerriers qui seront des machines pratiquement suréquipées. Et senza entrare proprio nella fantascienza, ma comunque la nanotecnologia potrà agire sulla natura. Si parla anche di questi nuovi guerrieri. Mais pour en rester aux écouteurs, on voit bien que les relations les plus intenses aujourd'hui, en première vue, se déroulent entre des interlocuteurs qui ne se voient pas directement. D'où ces gens que nous rencontrons dans la rue et qui semblent parler tout seuls. Ils ne parlent pas tout seuls, ils parlent avec des fantômes pour nous. Ma per tornare alla questione degli auricolari, nel senso che le relazioni più intense ora si fanno tra persone che non si vedono, perché si vedono persone per esempio per la strada che parlano da sole, ma non parlano da sole, parlano con qualcuno che per noi è un fantasma. c'est l'un des aspects les plus subtils de la société de consommation, c'est la marque de son efficacité, c'est qu'elle rend désirables tous les modes d'emploi qu'elle fabrique à notre usage. Et uno degli aspetti più sottili della società del consumo è che ci rende desiderabili tutte le cose che fabbrica come utilizzabili secondo il modo d'uso che ci indica. È l'échafaud d'une sorte d'anthropologie. È una sorta di antropologia che viene eretta. Oui, qu'elle fabrique elle-même. Fabrica essa stessa. Et dans cette anthropologie, l'être humain est de plus en plus dépendant de ses prothèses. Et in questa antropologia l'essere umano è sempre più dipendente da queste protesi. Il faut consommer pour exister. Bisogna consumare per esistere. Et le comble de l'existence, peut-être, c'est de passer de l'autre côté de l'écran, de devenir soi-même une image. Et il colmo è forse proprio di passare dall'altra parte dello schermo, di diventare noi stessi un'immagine. Alors, la télé-réalité, la création des sites personnels sur le net traduisent la nécessité de ce passage à l'image. E la telerealtà, la creazione di siti personali sulla rete traducono la necessità di questo passaggio all'immagine. D'une certaine manière, tout cela brouille un peu la frontière entre réalité et fiction. In un certo senso questo confonde un po' la frontiera tra realtà e fiction. Alors, la prégnance de la fiction, c'est un phénomène ancien. La pregnanza della fiction è un fenomeno antico. Je rappelais qu'au large de Marseille, on peut aller visiter le cachot du comte de Monte Cristo, qui est un personnage d'un roman. Ho ricordato appunto che si può visitare al largo di Marsiglia la prigione del conte di Monte Cristo, che è un personaggio di un romanzo. On peut aussi rêver Roméo et Juliette sur leur balcon. E si può anche sognare di Romeo e Giulietta sul loro balcone. Mais aujourd'hui, c'est un phénomène qui se généralise à partir d'images qui ont été vues sur écran. E non pas élaboré par l'imagination. Oggi però questo è un fenomeno che si generalizza a partire da immagini viste sullo schermo e non da elaborazioni dell'immaginazione. Il y a une forme de tourisme aujourd'hui, m'a-t-on dit, qui se développe à New York, qui consiste à retrouver les lieux qui sont photographiés dans la série américaine Sex and the City. Alors ça fait un parcours touristique maintenant. Quindi mi è stato detto che c'era proprio una forma di turismo, una forma di percorso turistico che si fa a New York per andare a vedere, a ritrovare i luoghi che sono fondamentali nella serie americana Sex and the City. E a Paris il y avait Disneyland, ma maintenant il y a une ville à côté qui est une vraie ville, une Disneyville qui est habitée par de vrais habitants. Ma e accanto a Parigi, accanto a Disneyland, c'è una vera città adesso, che è una Disney città, una città di fiction, però abitata da veri abitanti. Allora, je crois que cet ensemble de données nouvelles. E credo che questo insieme di dati nuovi nous oblige à faire attention à la nécessité de ne pas perdre de vue les pensées élémentaires. Ci obbliga a fare attenzione a non perdere di vista i pensieri elementari. Je veux dire la pensée du temps et la pensée de l'espace. Cioè il pensiero del tempo e il pensiero dello spazio. Virilio faisait remarquer que nous sommes à l'âge de l'instantanéité et de la simultanéité. Virilio faceva notare che noi siamo nell'epoca dell'istantaneità, della simultaneità. Nous pouvons avoir parfois le sentiment qu'il n'y a plus de distance. Possiamo avere per esempio l'impressione che non ci sono più distanze. Même s'il y a quelques embouteillages pour nous rappeler à la anche se c'è qualche ingorgo del traffico per ricordarci comunque che c'è qualcosa. Et la communication instantanée est une réalité que de plus en plus de gens éprouvent. E la comunicazione istantanea è una realtà che sempre più persone provano. Mais tout cela peut nous entraîner à ne vivre qu'au présent ou à ne croire vivre qu'au présent. Ma tutto questo può comportare che noi viviamo solo nel presente o crediamo di vivere soltanto nel presente. Or, il n'y a rien de plus irréel que le présent. Le présent, c'est le passé qui se... et le futur. C'est un mouvement. Et les philosophes ont annoncé la fin des grandes idéologies du 19e siècle. Ma non c'è nulla di più irreale del presente, perché è il passato che va verso il futuro. E i filosofi, gli ideologi... Les philosophes, comme Lyotard, ont, dans la condition postmoderne, justement annoncé la fin des grands récits du XIXe siècle, des récits utopiques qui essayaient d'imaginer l'avenir. E dei filosofi come Lyotard, nell'ambito della postmodernità, hanno indicato la fine di quelli che erano i racconti del secolo scorso che cercavano di immaginare il futuro. Il appelait ça la fin des grands récits, come le marxisme. E li chiamava la fine dei grandi racconti, come il marxismo, per esempio. En même temps, nous avons vu que c'est vrai que le rapport à l'histoire est souvent un rapport d'image. Al tempo stesso abbiamo visto che il rapporto con la storia è spesso un rapporto di immagine. Nous visitons le passé, comme nous visitons les monuments. Visitiamo il passato come visitiamo i monumenti. Mais l'idée que le présent se nourrit de tout ce qu'il a précédé est une idée beaucoup moins forte qu'elle ne l'était jadis. Ma l'idea che il presente si nutra di quello che è accaduto in passato è un'idea molto meno forte di quanto non lo fosse un tempo. Il y a donc un, à mon sens, un réapprentissage à faire du temps et de l'espace. E bisogna quindi fare, cioè ricominciare a imparare di nuovo il tempo e lo spazio. Alors pour cela, il faudrait peut-être essayer de repenser la mobilité. Et per far questo bisognerebbe forse cercare di ripensare la mobilità. La mobilité dans le temps et la mobilité dans l'espace. La mobilità nel tempo e nello spazio. En effet, cette mobilité, elle est proclamée partout. Avec l'idée du monde où tout circule. Questa mobilità, infatti, è proclamata dappertutto con quest'idea del mondo in cui tutto circola. Mais dans la réalité du monde, elle correspond au contraire à des assignations à résidence. Ma nella realtà del mondo corrisponde veramente a delle assegnazioni a residenza. Le 1936 en France reste une date mythique à cause des congés payé. Il 1936 in Francia è rimasta una data mitica per essere l'introduzione delle ferie pagate. E nous voyons de temps en temps sur les écrans des images de cette période où des ouvriers ont découvert la mer. E vediamo spesso sugli schermi delle immagini dell'epoca in cui degli operai, per esempio, hanno scoperto il mare. Mais aujourd'hui, beaucoup plus de la moitié des Français ne partent jamais en vacances. Ma oggi più della metà dei francesi non parte mai in vacanza. Et l'un des problèmes des quartiers que l'on dit difficiles, c'est qu'il n'y a, ils ne bougent pas. Ils ne bougent pas, ils ne connaissent pas autre chose que le lieu auquel ils sont assignés. Ma il problema proprio dei quartieri cosiddetti difficili è che le persone non si muovono, non conoscono altro che il luogo a cui sono stati assegnati. Quand on parle des jeunes des banlieues, ce sont des jeunes des banlieues, mais qui ne sortent pas de leur banlieue. Quando si parla dei giovani delle banlieue, delle periferie, sono dei giovani di periferia che non escono dalla loro periferia. E la mobilité dans le temps, c'est exactement l'équivalent de cela. E la mobilità nel tempo è esattamente l'equivalente di questo. La mobilité dans le temps, elle est le luxe de ceux qui étudient un peu l'histoire. La mobilità nel tempo è il lusso di coloro che studiano un po' la storia. Qui prennent un peu de distance par rapport aux évidences médiatisées. Che prendono un po' di distanza rispetto alle evidenze mediatizzate. Cette nécessité de remettre en mouvement la jeunesse notamment dans le temps et dans l'espace me paraît devoir commander ce que l'on pourrait appeler une utopie de l'éducation. E questa necessità di voler rimettere in movimento soprattutto i giovani nel tempo e nello spazio mi sembra che sia quella che io chiamerei l'utopia dell'educazione. Et de ce point de vue, je ferai deux remarques pour conclure. L'utopie de l'éducation, parce que e vorrei fare due osservazioni per concludere. L'utopia dell'educazione, perché... D'abord, il y a un autre grand récit qui est en train de s'achever. C'est celui de l'idéologie libérale. E c'è un altro grande racconto che sta finendo, completandosi, è quello dell'ideologia liberale. En effet, Fukuyama, lorsqu'il a évoqué le thème de la fin de l'histoire, voulait signifier que tout le monde était à peu près d'accord sur le plan intellectuel pour dire que l'idéal, en tout cas l'idéal, c'était la démocratie représentative et le marché libéral, et que ça marchait ensemble. Et Fukuyama, quando parlava della fine della storia, diceva in fin dei conti che tutti erano d'accordo su una democrazia rappresentativa e su un mercato liberale. E la loro junction, il loro côté indissolubile. E il loro aspetto indissolubile, il loro congiungimento. Or, ce que nous montre l'actualité, c'est que des régimes parfaitement dictatoriaux s'accommodent très bien du marché libéral. Il n'y a pas de junction entre la forme politique et la forme économique. Dunque, ma l'attualità ci mostra che, per esempio, nei regimi dittatoriali non c'è un problema nell'accettare il mercato liberale, non c'è una forma di... Oui, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de liaison, qu'il y a des formes politiques tout à fait dictatoriales, non démocratiques, qui sont tout à fait à l'aise sur le marché libéral. Sì, cioè, ci sono delle forme dittatoriali che si trovano perfettamente a loro agio nel mercato liberale. Donc, il n'y a pas cette liaison nécessaire entre non c'è questo collegamento necessario tra democrazia e aspetto del mercato liberale. Et d'un autre côté, il y a un autre thème qui paraît aujourd'hui bien atteint, touché, c'est le thème de la culture d'entreprise. E c'è un altro tema che sembra oggi colpito, toccato, ed è quello della cultura dell'impresa. Alors la culture d'entreprise, ça signifiait deux choses. D'une part que chaque entreprise avait sa culture, était un milieu social homogène, cohérent. E questa cultura dell'impresa significava due cose, cioè che l'impresa aveva la sua cultura, era in un ambiente sociale omogeneo. Et c'est au point d'ailleurs que on a pu prendre ce modèle pour un modèle politique en disant qu'il fallait gérer une nation comme une entreprise. Ed è da questo punto di vista che poi si è ripreso questo modello anche da un punto di vista politico, dicendo che bisognava gestire la politica come si gestisce l'impresa. C'est-à-dire que la culture d'entreprise désignait non seulement l'harmonie interne à l'entreprise, mais se présentait comme un modèle généralisable. E la cultura d'impresa, cioè, non era soltanto un modello all'interno dell'impresa, ma si riferiva anche a un aspetto più generale. Et ce que nous ont révélé les dernières crises, c'est qu'en fait, il y a plusieurs acteurs dans l'entreprise. Et quello che ci hanno rivelato le ultime crisi è che ci sono diversi attori. Il y a la direction, il y a les employés. Nell'impresa c'è la direzione, ci sono i dipendenti. Et puis les propriétaires, les actionnaires. I proprietari, gli azionisti. Et nous voyons bien que la logique financière l'emporte sur, même sur la logique de la production. E la logica finanziaria, noi vediamo che è la meglio anche sulla logica della produzione. Ce qui prouve qu'il n'y a pas cette communauté d'intérêts. Questo prova che non c'è questa comunità di interessi. Qui définit un ensemble cohérent. Che definisce un insieme coerente. Pour que les actions montent, il faut licencier. Perché salgano le azioni, bisogna licenziare. Il n'y a donc pas de communauté d'intérêt dans ce monde-là. In questo mondo non c'è dunque una comunità di interessi. Tout cela pour suggérer que le dernier modèle en cours, celui de l'idéologie, de l'idéal libéral, qui après tout se défend, puisque c'est celui qui est quand même pour l'instant le plus engagé dans la réalité de l'histoire, que c'est un modèle qui bat de l'aile. E noi vediamo che anche questo ultimo modello, cioè quello dell'ideale liberale, che è quello che più, diciamo, è impegnato nella realtà del mondo, anche quest'ultimo modello vediamo che comincia ad oscillare. Je crois donc que nous avons besoin d'une utopie de l'éducation. Pourquoi? Parce que si nous projetons, si nous suivons Fukuyama un moment, mais si nous projetons les tendances actuelles vers l'avenir, je ne crois pas que nous allions vers une démocratie planétaire. E noi abbiamo bisogno di una utopia dell'educazione. E perché? Perché se noi proiettiamo verso il futuro tutto questo, noi vediamo che andiamo verso una... Nous n'allons pas vers une démocratie planétaire. Noi non andiamo verso una democrazia planetaria. On sait que l'écart entre les plus riches des riches et les plus pauvres des pauvres s'accroît. Noi sappiamo che lo scarto tra i più ricchi dei ricchi e i più poveri dei poveri aumenta. Ce qui n'est pas contradictoire avec le fait qu'il y ait des zones qui émergent dans le monde. E questo non è contraddittorio col fatto che ci sono delle zone nel mondo che emergono. Parce que c'est encore en Chine ou en Inde que l'écart entre les plus riches des riches et les plus pauvres des pauvres est le plus grand. Perché è ancora proprio in Cina e in India che lo scarto tra i più ricchi e i più poveri dei poveri è più grande. Mais il ne s'agit pas seulement de cela. Il s'agit, et c'est peut-être encore plus grave, des écarts dans le domaine de la proximité de la connaissance. Ma non è soltanto questo, cioè qualcosa che è ancora più grave, cioè questo scarto che esiste nel campo della prossimità della conoscenza. Les savants, mais tous ceux qui sont proches de ce monde, et les analfabètes. Cioè tra gli scienziati e tutti coloro che sono vicini a questo mondo e gli analfabeti. Alors cet écart s'accroît gravement, dans les pays industrialisés, il y a eu des enquêtes aux États-Unis qui ont révélé des résultats catastrophiques. Et questo scarto aumenta nei paesi industrializzati. Abbiamo avuto delle indagini negli Stati Uniti che hanno dato dei risultati catastrofici. Et bien entendu, dans les pays sous-développés. Et nei paesi ovviamente sottosviluppati. Ce qui entraîne une forme particulière de migration. La fuite des cerveaux. E questo comporta una forma particolare di migrazione, la fuga dei cervelli. Parce que dans les pôles où se retrouvent les réseaux de la nouvelle globalisation, on trouve des gens venus de partout. La surmodernité n'est pas raciste, elle est individuelle. Ma nei poli in cui si ritrovano questi, che vengono da queste reti della globalizzazione, noi vediamo che troviamo persone che vengono da qualsiasi parte del mondo, Dunque la surmondanità non è razzista, ma è individualista. E cet écart qui s'accroît chaque jour est encore plus alarmant si nous pensons que la science elle avance à pas de géant. Ma questo scarto che aumenta è ancora più allarmante se noi pensiamo che la scienza va avanti a passi da gigante. Si nous projetons tout ça à moyen terme, nous voyons apparaître non pas une démocratie, mais une aristocratie. E se noi proiettiamo tutto questo a medio termine, vediamo apparire non una democrazia, ma un'aristocrazia. Une couche de privilégiés d'origine diverse qui se retrouve dans les noyaux du globe, dont beaucoup sont aux États-Unis, mais pas tous. Una fascia di privilegiati che viene da ogni parte, che si ritrova in questi nuclei privilegiati che troviamo negli Stati Uniti, ma non soltanto. Une masse de consommateurs. Una massa di consumatori. E une masse encore plus grande d'exclus et du savoir et de la consommation. Mais la masse de consommateurs, je veux dire une masse de consommateurs un peu passifs, qui récolte les, qui utilise les technologies. Base. Ma diciamo troviamo una massa di consumatori che passivi che usano le tecnologie ma così a un livello più basso e la massa degli esclusi che non hanno nessun contatto dal consumo e della conoscenza, bien sûr. E dalla conoscenza anche. Et en fait, je disais que c'était l'image que nous pouvions projeter dans l'avenir, mais si nous regardons de bien près la planète à l'heure actuelle, est-ce que c'est pas déjà un peu ça? Ma dicevo che questa è un'immagine che possiamo proiettare verso il futuro, ma se guardiamo un po' la realtà del pianeta oggi, non è forse già così? Alors voilà, l'utopie de l'éducation, on voit bien en quoi elle est utopique. Elle est utopique parce qu'elle n'est pas en voie de réalisation. Ma l'utopia dell'educazione, perché è un'utopia? Perché non è ancora in via di realizzazione? Mais elle ne serait pas inimaginable. Ma non sarebbe inimmaginabile. Après tout, nous n'avons affaire qu'à des êtres humains. Et dopotutto, noi abbiamo a che fare soltanto con esseri umani. Si je m'interroge sur les chances d'avenir du fils d'un professeur à Harvard et de la fille d'un paysan afghan. Se mi interrogo su quelle che può essere il futuro del figlio di un professore a Harvard oppure della figlia di un contadino afghano. Et on voit bien qu'il c'est à peine si on peut les dire contemporains. Enfin, ils n'ont rien en commun. Mais imaginez que par un concours de circonstances particuliers, la fille du paysan afghan se soit trouvée élevée par le professeur Harvard. Il n'y a plus de problème. Ma chiaramente non hanno nulla in comune, ma immaginate a un certo momento che per un caso così fortuito la figlia del contadino afghano sia stata poi allevata dal professore di Harvard. C'est donc théoriquement possible. È teoricamente possibile. Voilà à peu près ce que je voulais dire aujourd'hui. J'ai dérivé du paysage à ceux qui l'habitent. Ecco un po' quello che volevo dire oggi, ho derivato qualcosa dal paesaggio a coloro che li abitano. Mais pour revenir au paysage, il exprime cela, car les somptuosités de la ville ipermoderne sont magnifiques. Ma il paesaggio esprime un po' questo, perché le somptuosità della città moderna è magnifica. Elle semble déjà prête à accueillir les touristes venus de l'espace. Sembra già pronta ad accogliere i turisti venuti dallo spazio. Mais évidemment, tout le monde ne se trouve pas associé à cet aspect-là de la vie urbaine. Ma non tutti si trovano associati a questo aspetto della vita urbana. C'est pourquoi l'architecture aussi est utopique. È per questo che anche l'architettura è utopistica. Voilà. È tutto.